Chapitre 6e. La consultation des chirurgiens assemblés autour du lit de Jean Bertoli fut longue et le résultat peu satisfaisant. Il n'y avait extérieurement aucune contusion sérieuse. Aucun membre n'était fracturé. Mais des lésions intérieures étaient à craindre. La secousse avait vraisemblablement intéressé l'épine dorsale et le cerveau lui-même semblait ébranlé. Y avait-il du danger? Oui, assurément. Le temps seul apprendrait ce qu'on pouvait espérer. Gisèle fut une garde-malade irréprochable. Elle n'eut pas la pensée qu'auraient eu tant d'autres femmes, que cette catastrophe était le châtiment du crime projeté. Ce ne fut pas un remords, un retour d'affection, le besoin d'expier qui l'attachait au lit de son mari. Simplement, elle ne conçut pas qu'en ce moment elle pût être ailleurs, et réservant l'avenir, elle se concentra dans son devoir présent. Si visible était sa volonté, si éloquente son attitude, que M. Daugier ne s'y trompa pas. Le premier moment d'horreur passé, il avait ressenti âprement toute l'amertume de sa déconvenue et maudit la malice aveugle du destin. Mais venant tous les jours se présenter à Gisèle, recueillir des nouvelles de sa bouche, il subissait son ascendant, renonçait à revenir sur le passé, à parler avec elle de l'avenir. Son attitude était celle d'un ami empressé. Quand même une pudeur ne l'aurait pas arrêté devant ce quasi-cadavre, il savait trop qu'un geste déplacé aurait blessé la jeune femme jusqu'au fond de l'âme. Mais après quelque temps, l'attente et la contrainte commencèrent de peser à son âme impétueuse, et il rongea plus douloureusement son frein. Les jours s'écoulaient sans amener de changement appréciable. Jean Bertoli mangeait et buvait. La fièvre était tombée. Il dormait lourdement, mais il était incapable de se lever ou seulement de s'asseoir. Toute expression avait disparu de son visage bouffi. Il assemblait laborieusement quelques mots pour exprimer ses besoins, pour pester contre ceux qui le soignaient, pour se plaindre comme un enfant. Il était devenu quelque chose de passif, d'inerte, d'affreusement bestial, et à le contempler, à entendre ses gémissements, à essayer en vain de réveiller son intelligence éteinte. Ce n'était pas seulement une horreur physique insurmontable qui secouait Robert, mais peu à peu lui montaient des sursauts de haine contre cette chair malade, pas assez vivante pour être un homme, pas assez morte pour la fosse et l'oubli. Parfois ses regards croisaient ceux de Gisèle, et quoiqu'il s'efforçât, elle devinait une partie des sentiments qui l'agitaient. Mais, impassible, elle baissait les yeux, et il comprenait que sa volonté était immuable. Tant que Jean Bertoli serait ainsi, elle ne serait que la femme de Jean Bertoli. Il essaya de lui en vouloir, de s'irriter contre elle, de se dire qu'elle ne l'aimait pas. Mais il n'y réussit point, car malgré elle, un soleil se levait dans les yeux de la jeune femme à l'approche de son ami, et il ne pouvait pas ne pas comprendre. Cependant, son énervement se faisait plus douloureux. Monotone, c'était maintenant les semaines qui se succédaient. L'état de Jean Bertoli demeura le même. Robert Daugier abrégea ses visites, les espaça. Il lui devenait intolérable de contempler la face blafarde du malade. Gisèle elle-même n'était-elle pas souillée de ce contact? Il sentit qu'il deviendrait fou s'il s'attardait auprès du lit de douleur. Un jour, au Tonkin, il avait eu un accès de fièvre chaude où il avait tout fracassé. Quatre hommes n'avaient pu le contenir. Il se demanda s'il ne risquait pas de commettre une action atroce à imposer chaque jour cette torture à ses nerfs. Une diversion lui devenait indispensable. Secrètement, il alla trouver les médecins et leur demanda de lui parler avec franchise. Il avait besoin de s'absenter quelques jours. Pouvait-il le faire sans crainte, sans risquer de ne plus retrouver son ami? Il le rassurait effroyablement. Sans doute la paralysie générale où s'acheminait l'infortuné pouvait se précipiter. Mais cela n'était pas probable. Il pouvait traîner des semaines, des mois, des années. Robert Daugier sortira en remerciant, assommé. Un voile noir lui obscurcissait le soleil. Des mois, des années, non, il ne pouvait pas. Il gagna d'une traite le petit hôtel. Le sourire de Gisèle lui dit sa joie de le voir à une heure qui n'était pas à l'heure accoutumée. Il se sentit faible. Pouvait-il lui porter ce coup? Mais la masse graisseuse de Jean grogna. La bouche bavait, les yeux roulaient hideux. il comprit que s'il se forçait à rester, un jour, malgré lui, il se précipiterait sur cette loque pour l'achever. Il parla. Il était obligé de s'absenter. Peut-être son absence se prolongera-t-elle. Des choses pressantes, des affaires de famille. Il vit la poitrine de Gisèle se soulever, mais il dit, sans faiblir, « Vous avez raison, Robert, je vous approuve. » Et elle voulut lui rendre sa parole. Alors il s'indigna, protesta, pleura. Il lui expliqua à demi-mot pourquoi il ne pouvait plus vivre ainsi. Mais qu'elle ne crut pas à une diminution de son amour. C'était cet amour au contraire qui l'obligeait à partir. Après une absence de quelques jours, sans doute, il aurait pris des forces, il reviendrait. Il serait d'ailleurs près d'elle n'importe où. Elle lui donnerait de ses nouvelles. Et le jour bienheureux où l'obstacle disparaîtrait, elle voulut l'arrêter. Mais il insista. Il fallait bien parler au moins une fois. Cette torture aurait une fin, qu'il eût mort ou guérison. Ce jour-là, il la courrait, à moins qu'elle m'aime. Elle sourit. Et bien qu'elle refusât de reprendre la foi qu'elle lui avait rendue, elle eut l'assurance de sa sincérité. Et quand il fut parti, elle garda solide sa confiance.